الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اهله وصحبه وسلم اما بعد طيب اليوم غنبرندر لا 9e et 10e مساله 9e et 10e question. Toujours dans notre livre, Al-Mabadi Mufida, et toujours dans la partie du Tawhid. La partie sur la portée au Tawhid. Faqala, Sheikhuna, Hafizallahu Ta'ala. Faïdhe qila lak, ma haqullahi ala ibadihi. Faqul, haqullahi ala ibadihi, an ya'budu, wa la yushriku bi shay'a. Wa dalilu, hadith Mu'az ibn Jabal. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن يعذب من لا يشرك به شيئا متفق عليه. نعم. Donc la traduction serait approximativement: et s'il t'est dit quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs, alors dit qu'il l'adore et qu'il ne lui associe rien. Rien du tout. Et la preuve de cela, c'est le hadith de Mu'adh ibn Jabal, dans lequel il dit: car certes, le droit d'Allah sur les serviteurs, c'est qu'il l'adore et qu'il ne lui associe rien. Et que le droit des serviteurs sur Allah, c'est qu'il ne châtie personne, qu'il ne châtie pas celui qui n'a rien associé. Et le hadith est muttafaqun alayh. Et là, il s'agit d'un hadith, comme vous le savez, qui est en début du kitab Tawhid. Le hadith est le plus long. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mu'adh dit qu'il était derrière lui sur un âne, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé, il dit: ya Mu'adh, il dit la paix qui est rasulallah trois fois. Après, il lui a dit le hadith entièrement: ya Mu'adh, et adri ma wa haqullah ala ibadi. Il dit: Allah wa rasuluhu a'lam. Il dit: sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Et là il répondit: Mu'adh, Allah et son messager sont plus savants. Il dit: leur droit, le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il, comme dans le hadith cité actuellement là, qu'il l'adore et qu'il ne lui associe rien. Ensuite il lui dit: ya Mu'adh, il lui répondit: labbaik ya rasulullah, genre je réponds à ton appel. Il dit: sais-tu quel est le droit d'Allah, du moins le droit des serviteurs sur Allah? Il dit: Allah wa rasuluhu a'lam. Il dit quoi? Il dit qu'il ne châtiera pas celui qui ne lui aura rien associé. Ensuite, Mu'adh lui dit: afalu bashiru an-nas, ne vais-je pas annoncer cela aux gens? Il dit: la fayattakilu, car j'ai peur qu'il se repose sur cela, c'est-à-dire du fait qu'après il n'oeuvre plus. Du fait qu'ils se disent juste qu'en n'associant rien à Allah, qu'il ne fasse aucune œuvre, qu'il délaisse ses œuvres. Naam. Donc ce hadith est venu clairement pour démontrer également, et est lié aux questions précédentes, que la première des obligations sur le serviteur, c'est le tawhid. D'unifier Allah dans l'adoration. Et le hadith démontre bien que celui qui n'associe rien à Allah ne sera pas châtié. Celui qui n'associe rien à Allah ne sera pas châtié. Et le paradis lui est garanti. Cela mène, bien sûr, à participer en même temps toujours du son là, parce que j'ai vu qu'il y a des trucs qui sont apparus sur l'écran. Il n'y a pas de coupure, t'es toujours là. Taïeb. Naam, qui a mené à la première question, à la question précédente qui était, nous l'avons dit, le droit de. Quelle est la première obligation sur le serviteur? Et parmi les preuves de cela, le hadith rapporté par Omar, Ibn Omar, radiallahu anhuma, que le prophète sallam a dit Umirtu an uqatil an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimu as-salat wa yutu az-zakat wa yuhajju al-bayt fa in fa'alu dhalika asum minni dima'ahum wa amwalahum ila fi haqq al-islam fa inna hisabahum 'ala Allah. Qui dit qu'il m'a été ordonné de combattre les gens. Et là, les gens, le sens voulu, c'est les mouchriquins. Jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'est d'autre divinité digne d'être adoré, ce n'est Allah. Donc ça ramène au barnade de la ilaha illallah. Et que je suis le messager d'Allah. L'un ne va pas sans l'autre. Et qu'ils accomplissent sa salat. Et qu'ils s'acquittent de la zakat. Et qu'ils accomplissent le hajj. Ou yasumu ramadan. Et que s'ils font cela, ils seront préservés de moi, leur sang et leur vie seront préservés de moi. C'est-à-dire que leur sang devient illicite. Ils deviennent des mu'minines, des muslimines. Hormis dans le droit de l'islam, car leur contrevient à Allah. C'est-à-dire si jamais ils commettent un acte qui mérite une sentence, comme le fait de voler par exemple, que leur main soit coupée, ou ce genre de choses, ce qui amène à un had, et comme un had alayhim, là c'est autre chose. Donc tout cela amène à ramener une fois de plus le fadr du tawhid, le mérite qu'il a, et qu'il est, comme nous l'avions dit, la clé qui ouvre la porte du paradis pour le musulman. Maintenant, il faut savoir quand on dit Ma wahakullah ala al-ibad an ya'buduhu wa la shiku bi shay'a. Que le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans rien associer. Ce qui revient au sens du tawhid. Et ça, c'est le droit purement d'Allah sur ses serviteurs. Celui que très peu lui rendent. Et à savoir qu'Allah n'a pas besoin de nous. Quand on dit le droit d'Allah, c'est un droit dont Allah se passe parfaitement. Lorsque le serviteur agit de la sorte, il n'en tire avantage que pour lui-même. Fid dunya wal akhirah. Car Allah subhanahu wa ta'ala se passe totalement de serviteur. Min asma'ihi al-ghani. Le riche qui se passe de tout. Kafi kulli ta'ala wa man jahada fa inna man yujahidu li nafsi inna Allah la ghani wa anil alamin. Celui qui combat ne combat que pour lui-même et que Allah certes se passe de tout l'univers. Allah n'a pas besoin de nous. Comme nous l'avons dit. Ou comme cela est venu dans le hadith également, hadith Qudsi, selon Abi Dhar, rapporté par Muslim, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah dit Ya ibadi, lo anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum, ma zada zalika bi mulki shay'a. Ya ibadi, lo anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbin rajulin wahidin minkum, ma nakasa zalika min mulki shay'an. Ya ibadi, innakum lan tablughu naf'i. Dans le hadith où il dit Ô serviteur, vous ne sauriez atteindre ce qui pourrait m'être utile ou ce qui pourrait me nuire, dans le sens qu'on n'est nullement utile à Allah et qu'on ne peut le nuire. Et qu'il dit que si votre premier, votre dernier, vos hommes et vos djinns étaient tous réunis sur le cœur de l'homme le plus pieux, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, dans le sens toujours que si vos premiers, vos derniers et vos hommes et vos djinns étaient tous sur le cœur de l'homme le plus pervers du monde, que cela ne réduirait en rien de mon royaume. Si ce n'est comme l'aiguille qui serait retirée de la mer, comme nous l'avions dit. Quand tu mets une aiguille dans l'eau et tu la retires, qu'est-ce qu'il en sort? Rien du tout. Cela ne lui en rien, Allah ne lui apporte rien. Tout cela, c'est pour le Thomas Laha Anou. Celui qui adore Allah ne le fait que pour lui-même. Et celui qui désobéit à Allah, de celui qui est lui-même. Naam. Donc ne pas croire que le droit d'Allah, dans le sens que Allah a besoin de nous. Allah est le créateur de toutes choses, nous avons dit Rabbul Alamin, dans le sens de la seigneurie, et qu'il n'a pas besoin de ses serviteurs. Et également, lorsqu'il dit Haqqul Ibad ala Allah, le droit des serviteurs sur Allah, ce n'est pas dans le sens comme pourraient le croire les Mu'tazila que on a un droit sur Allah. Non, ça c'est une grâce de lui, de sa part. Tafaddulan. Une chose que lui s'est promis à lui-même. Il s'est interdit l'injustice, comme il l'a dit. La Côte de Haram tout le zulm à la nafsi, fajatu beynakum muharrama falata zalamu. Que j'ai interdit le zulm sur moi-même et que je l'ai rendu interdit entre vous. Dans le sens, sinon, par rapport à ça, Allah n'a, nous n'avons aucun droit sur Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'avons aucun droit sur lui. Et les savants ont interprété cette partie-là comme étant le droit des serviteurs sur Allah du fait que qu'ils obtiennent de sa grâce, de sa rahma. Sans quoi, Allah, nous n'avons aucun droit sur lui. Et comment cela serait-ce, lorsque celui qui nous a créé, qui nous a tout donné, wa rabbul alamin. Car comme les Mu'tazila disent, par exemple, que celui qui a commis un péché qui mérite la sentence, c'est obligé à Allah, Allah est obligé de le punir. Et que celui qui a fait un acte qui mérite une récompense, qu'il est obligatoire à Allah de lui rendre cette récompense. Eux, ils voient comme cela. Que cela est obligatoire pour Allah, c'est un droit que nous avons sur lui. Et cela est une compréhension qui est fausse. Ils s'opposent au Adillah clair. Naam. Donc là nous voyons, et ce hadith vous trouvez également en début de Kitab Tawhid, avec des explications plus longues, émises par les savants. Rahmatullah ala al-amwat, wa nasallallah yahfaza al-ahya minhum min ahli sunnati wal jama'a. Ensuite, l'autre question, celle qui est la deuxième de ce cours et la dixième du livre, lorsqu'il dit فَإِذَا قِيلَ لَكْ مَا هُوَ الشِّرْكُ فَقُولْ وَعِبَادَتُهُ غَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكُلُّ مَا كَانَ عِبَادَةً لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَصَرَفَهُ لِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ فَصَرْفُهُ لِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ وَالدَّلِيلُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Donc s'il te dit, qu'est-ce que le shirk, ce qu'on appelle l'association, dit, c'est le fait d'adorer autre que Allah. Et tout ce qui est une adoration pour Allah et qui est tourné pour autre que lui, cela est du shirk. Et la preuve en cela, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit, dans le sens, et adorer Allah et ne lui associer rien. Naam. Et cela est le plus grand des péchés qui l'opposait au tawhid. Le tawhid, c'est le fait d'unifier, et le shirk, c'est le fait de partager, comme on dirait. D'attribuer à autre ce qui ne lui revient pas. Ou un shirk, la zulmun azim, que certes le shirk, est la plus grande des injustices. Dans le sens que zulm ma huwa wa wad'ashi fi ghayri mawdi'ihi. C'est le fait de mettre une chose hors contexte. C'est-à-dire le fait de mettre l'adoration pour autre que Allah. Car Allah nous a créé pour cela, comme nous l'avons dit, pour l'adorer. Donc le fait de tourner l'adoration vers autre que lui, cela est du zulm, une pure injustice. Mais cette injustice-là ne lui conservait dehors lui-même. Hein, car l'injustice, de trois catégories. L'injustice envers le droit d'Allah. À savoir que ce droit, celui qui ne la remplit pas, ne lui en rien à Allah. Comme le shirk, le fait d'adorer autre qu'Allah. Cela est du zulm. C'est ce qu'il y a entre le serviteur et son seigneur. Cependant, cette injustice-là ne nuit en rien à Allah. On ne peut pas dire que tu étais injuste envers Allah. On va dire que tu étais injuste envers le droit que Allah t'a imposé. Mais par rapport à Allah, subhanahu wa ta'ala, tu ne peux rien lui faire. Deuxième injustice, ma bayna al-abd ou al-ibad. C'est-à-dire le serviteur envers quelqu'un d'autre, qui va léser d'autres serviteurs. Et le troisième, zulm lil-abd al-nafsi, que le serviteur soit injuste envers lui-même. Parle comme le fait de commettre des péchés et des désobéissances, car cela lui dira fi adid dunya wa fi al-akhirah. En ce moment, on est dans l'au-delà. Non. Et le shirk est considéré comme étant la plus grande injustice. La plus grande injustice qui soit, car comme nous l'avons dit au début, haqqullah ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Donc cela amène au contraire. Également, le shirk, quel est-il ? من أجمع ما قيل les shirks, parmi les définitions les plus globales du shirk, quand il y en a eu plusieurs, ce qui est venu dans le hadith d'Ibn Mas'ud, dans les deux authentiques, Muttafaqun alayhi, lorsqu'il dit Qultu ya Rasulallah, ay al-dhanb a'zam. Qala atajala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Il dit c'est le fait qu'il lui dit au messager d'Allah quel est le plus grand des péchés. Il dit que tu attribues à Allah un égal. Un nid, c'est l'égal. Voilà tajalu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Et ne donnez pas à Allah des égaux, alors vous le savez. Donc le nid, c'est l'égal. Alors qu'il t'a créé, le fait que tu donnes à Allah un égal, alors qu'il t'a créé. Donc ce hadith, lui, regroupe le sens du shirk. Et cette définition, par rapport à ce hadith, a été également approuvée, cautionnée par Cheikh Abdul Latif, Ibn Abdul Rahman, Ibn Hassan, Al-Najdi, Al-Cheikh, parmi les descendants de l'imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, dans Adur al-Siniyya. Et ce péché, également trouvé parmi comme définition, qui est que c'est parmi les définitions, wa tasuyat bayna Allah wa ghayrihi fi ma yahtassu bihi Allah, ay min haqqihi fi al-ibada. Le fait de donner, d'égaliser entre Allah et autre que lui dans ce qui lui est propre. Hein? Dans ce qui lui est propre. Non. Et par rapport au shirk, quelles sont les conséquences? Le shirk sur le serviteur, ses conséquences. Cela l'exclut de la communauté. Ça devient un kafir. Également, yajal sahibahu min al-mukhalidina fi an-nar. Celui qui associe Allah qui meurt dessus, yani shirk akbar, que cela le mettra éternellement au feu. Également, yajal damahu wa malahu halal. Yahillu damahu wa malahu. Que cela rend licite ses biens et son sang. Ou également, an yuhbit a'malahu fi dunya. Fait de dunya, et que cela annule toutes ses œuvres en ce bas monde. Tout ce qu'il a fait sera rendu vain. Yom al-Qiyam. Et également qu'il ne sera pas pardonné s'il meurt sur cela Yom al-Qiyam. Comme a dit fil aya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Que Allah ne lui pardonne pas qu'on l'associe quoi que ce soit, mais il associe à qui il veut en dehors de cela. Mais il pardonne à qui il veut en dehors de cela. Le shirk, comme vous le savez, également est divisé en deux catégories, al-akbar ou al-asghar, qui est le shirk majeur, le plus grand, et le shirk mineur, le moindre. Et non pas le shirk grand et petit, comme on pourrait le dire. C'est un point qu'on a déjà évoqué dans le Nawaqid al-Islam. Car dire le grand shirk, le petit shirk, cela mène à le minimiser. Croire qu'il est petit, c'est pas grand chose. Et Asra al-Akbar sont des afal tafdil. Il n'a pas dit shirk al-Kabir ou shirk al-Sarir. Il a dit l'Asra al-Akbar. Akbar, ça veut dire plus grand. Et Asra, ça veut dire moindre, plus petit. Et non pas Sarir. À faire attention lors des traductions. Petit shirk, c'est un terme qui est à éviter. Même littéralement parlant, la traduction n'est pas correcte. On ne traduit pas Asra par petit. Un exemple, tu dis Hada Akhi al-Akbar. Cela, c'est mon frère, c'est le plus grand. C'est le majeur. Comme on dit Wada Akhi al-Asra. C'est mon plus petit frère, le plus jeune. Est-ce que ça veut dire qu'il est petit? Par exemple, je sais pas, vous êtes des frères, t'en as un à 31 ans, l'autre il a 30 ans, l'autre il a 29 ans. Est-ce que lui qui a 29 ans, on dit Akhil Asra, ça veut dire qu'il est petit? Non, c'est le plus petit d'entre nous, ça veut pas dire qu'il est petit par rapport aux autres personnes. Il est adulte, ce n'est pas un enfant. Mais par rapport aux trois frères, C'est le plus jeune des trois. Et peut-être par rapport à celui qui parle, il peut dire à Dakhil sans rire. Non, mais il peut le dire, c'est mon petit frère. Mais ça veut dire qu'il est petit par rapport à tout le monde? Non. Donc attention, traduction par rapport à ça. Hein? C'est en mesure du contexte. Donc le chef Asra est plus petit que le grand. Mais ça ne veut pas dire que c'est un petit péché. Hein? Ce n'est pas un petit péché. Donc, des savants ont divisé ce shirk, du moins les savants. Ce shirk a été divisé en deux catégories, bien que certains savants voient qu'il n'est que bien qu'il soit de deux catégories, que le petit, celui qui commet même le petit, est sous la menace équivalente à celui qui commet le grand. Le jugement est le même. Par rapport au verset cité, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi, wa yaghfiru que Allah ne pardonne pas qu'on leur soucie quoi que ce soit. Donc là, quand ils disent quoi que ce soit, ça englobe les deux, le petit et le grand. Hein, et cela est un sujet évoqué depuis longtemps. Un khilaf qui existe entre le savant. Non, mais le plus authentique, c'est que le petit, le plus authentique, c'est que l'asrar, le mineur, lui, tarte el machia, sous la volonté d'Allah. S'il veut, il pardonne, et s'il veut, il châtie. Naam. Et quel est le shirk al-asrar? C'est quoi sa définition? Ce qui est venu, c'est, comme l'a cité l'ajna daima, ou shir al-samil kazalik, ils disent, ma ja wa wa zuryatun il al-akbar, wa wasiratun li wuku' fihi. C'est-à-dire, ce qui est un moyen et une voie menant au shirk al-akbar et qui mène à y faire tomber. Et qui a été appelé par le texte shirk. Pourquoi? Car il y a des choses qui mènent au shirk al-akbar et qui n'ont pas été nommées comme étant du shirk asrar. Par exemple, Taswir, Zawat al-Arwah, comme cela va venir, le fait de façonner des images, d'êtres vivants, qui possèdent des âmes. Cela, celui, on va dire celui qui fait par exemple une photo, on ne va pas dire qu'il a fait du shirk asrar. Et pourtant, c'est un moyen qui y mène, comme cela viendra, Inch'Allah, dans le prochain dars. Et d'autres actes, qui également eux mènent à tomber dans le shirk akbar, mais n'ont pas été nommés comme étant du shirk asrar. Et même Saadi, comment il l'a défini, il a dit. وجميع الأقوال والأفعال التي يتوصل بها إلى الشرك كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة وكالحلف الحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. Donc il dit quoi lui dans son kitab Al-Qawl al-Sadid, c'est toute parole ou tout acte qui mène au shirk, comme l'exagération sur les créatures tant que celui-là ne mène pas à l'adoration. Ou comme le fait de jurer pour autre que Allah. Ou comme l'ostentation de bas niveau. Et ainsi de suite. Également, il y a un hadith qui est venu, qui a été rendu hassan par certains muhadithines, qui démontre que clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé Cheikh Asrar. Il a été nommé dans un hadith. C'est le hadith qui a été rapporté par Mahmoud ibn al-Labid lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna akhwafa ma akhwafu alaykum et shirk al-asrar. Faqalu wa mal shirk al-asrar ya Rasulallah. Qal ari'a. Donc il dit la chose dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le shirk al-asrar. Et lui dire et quel est-il au message d'Allah? Il dit l'ostentation. Ou l'ri'a, c'est le fait de faire une action, de se faire voir. Et elle a également, comme on dirait, sa sœur qui est Soumara, c'est le fait de faire une chose et qu'on t'entende. Souvent, Soumara, c'est induit par la réputation, qu'on parle de toi. Par exemple, celui qui fait une salate, qui embellit sa salate devant les gens, pour qu'il soit vanté, qu'on fasse son éloge, ça c'est du ria. Et celui par exemple qui dirait une parole, il souhaite qu'elle soit entendue partout qu'on fasse son éloge, cela rend un soma. Mais Sama également, comme on dit, souvent peut-être traduit par réputation également. Le fait qu'on parle de toi, qu'on a entendu parler de toi. Ça rentre également là-dedans. Naam. Donc là, le chef Asrar, lui, il est tartel Mashi'a. Il se peut que Allah pardonne, il se peut qu'il châtie. Comparé au Akbar, celui qui meurt sur l'Akbar, qui meurt dessus, rentre, se voit exclu de la communauté, voit ses actions vaines, toutes rendues vaines, tout ce qu'il a fait auparavant, par rapport, je parle de celui qui était musulman, tout ce qu'il a fait auparavant est rendu vain, et celui qui ne s'est jamais soumis, lui, quoi qu'il fasse, ses actions sont refusées. Son sang et son bien sont devenus licites. Et également, il sera éternellement au feu. Naam. Fanasallallahu an yahfaza, an yahfazana wa iyyakum min adh-dhulm al-'azim alladhi huwa shirk billah wa an yaj'alana min al-muwahhidin illa an nalqahu wa bihadha kunna naktafi wa naqulu subhanaka allahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.